Europe Connection. Europe Connection. De Alexandra Badea. Tout allait bien. La campagne cartonnait. Dans les maternelles de la brousse, les enfants de fermiers chantaient nos slogans. Le mec qui a tourné la pub est maintenant récupéré par le cinéma d'auteur. Un éleveur de vaches déniché par tes soins, ou plutôt par les soins de ta femme dans sa télé-réalité préférée, L'amour est dans le pré. Elle regarde. Parfois, toi aussi, tu jettes un œil. Il faudra l'avouer. Le stewardship fonctionnait comme prévu. Tout allait bien. Tout le monde se précipitait sur l'affaire. Tout allait bien. Les agriculteurs applaudissaient. Tout allait bien. Rien n'est plus beau que d'être materné. Ça évite une fatigue excessive du cerveau. Tout allait bien, et ça n'a pas coûté grand-chose, car grâce à tes dîners répétés dans un club select de la capitale... Taxe d'admission 10 000 par an. Tu as même réussi à obtenir une subvention. C'est pas du développement durable, ça. Tout allait bien. Tu étais passé de 400 à 500 euros de l'heure. Mais à ces sommes-là, tu ne vois même pas la différence. Mais ce qui compte, c'est le regard extérieur. Tout allait bien. C'est la reconnaissance. Tu as pris une semaine de vacances entre deux dossiers et tu as emmené ta femme et tes gosses dans un voyage thématique au Brésil, vivre dans les favelas. 10 000 euros tout compris pour vivre 5 jours dans une fausse favela juste pour comprendre ce que ça veut dire d'être pauvre. Tout allait bien. Bon, ça t'a quand même un peu fait chier. T'aurais préféré une île perdue, difficile d'accès dans l'océan Indien, mais cette année, c'est l'éducatif qui prime. Il faut transmettre des vraies valeurs à tes gamins. Tout allait bien. Tout allait bien. Tout allait bien. Tout allait bien. Tout allait bien. Tout allait bien. Tout allait bien. Tout allait bien. Tout allait bien. Tout allait bien. Jusqu'à ce qu'un chercheur indépendant, s'emmerdant un peu dans son laboratoire, a découvert qu'un composant d'un pesticide est cancérigène. Il entre à l'intérieur du fruit et c'est foutu. Alors tout recommence. L'autorité européenne de l'alimentation doit tout analyser. Si l'étude est validée, c'est la guerre. T'as beau passer tes soirées dans ton club privé et déjeuner chaque jour dans un grand hôtel pour pêcher tes interlocuteurs, personne ne veut te parler. L'enjeu est immense. Chacun sent une lourde épée au-dessus de sa tête. Quelques fermiers empoisonnés, ça peut passer, mais là, on parle de toutes les nations européennes. Les manifestations se multiplient. Le lobby bio se fortifie. Et en plus, ce chercheur a une tête tellement rassurante qu'on voudrait l'avoir comme grand-père pour ses enfants. Tout le monde l'écoute comme s'il était le nouveau prophète descendu sur Terre pour sauver l'humanité. Sauver l'humanité. Sauver l'humanité. Sauver l'humanité. Sauver l'humanité. Tu entends ces mots dans ta tête et ça te fait un drôle d'effet. Il s'agit de ça. Sauver l'humanité. Si tu arrivais à prouver que vous faites ça, c'est gagné. Qu'est-ce qui touche le contribuable moyen européen en dehors de sa gueule? Sauver l'humanité. Surtout s'il débarque d'un pays à fort passé colonial. Le tiers-monde. La faim dans le monde. Les enfants qui meurent dans les rues des métropoles du Sud. Cette image de Depardon avec des gamins africains qui ramassent les graines qui tombent d'un camion. L'Afrique, comment ça va avec la douleur? Mal. Alors il faut frapper là. Sur la culpabilité et le bon sens de tes concitoyens. Sauver l'humanité. Sauver l'humanité. Sauver l'humanité. Sauver l'humanité. Tu te souviens de cette étude de cas qui a fait le tour des amphis à ton époque? Un fabricant important qui voulait agrandir son marché de lait en poudre pour bébé. Il va où? Il va en Afrique. Il imprime des affiches avec une femme blanche qui donne un biberon de poudre à son enfant et ça marche. Plus personne ne veut allaiter. Si dans les pays civilisés on fait comme ça... Il faut suivre. Il distribue quelques boîtes gratuites dans les maternités du monde et après chacun se débrouille comme il peut pour acheter son produit. Jackpot. Il faut chercher là-dedans. Il faut parler de ça. La croissance de la population, la dégradation de la planète, l'urgence de nourrir un monde affamé. La population du globe ne pourra être nourrie que si la production alimentaire industrielle est intensifiée. C'est ça ta phrase. Et tu la déclines à l'infini. Comment nourrir ce monde sans pesticides? C'est ça la question. Là, ils vont vous aimer à nouveau. Comme ça, en larmoyant. Une larme pour les victimes du cancer, une larme pour les morts de la faim. Jack. Comment tu peux choisir là-dedans? Jack. Laisse nous faire doucement. Et surtout. Surtout. Tu dois faire gaffe que personne n'arrive dans le débat public avec la théorie de la répartition de la nourriture. Que personne ne sache qu'on jette un tiers de la production au nord. Tout ça n'existe pas. On s'en fout. On le cache. À quoi ça sert? Ça sert à rien. On peut pas sauver le monde en une nuit quand même. C'est comme ça. À tout ça, tu rajoutes une polémique sur le bio. Tu remets sur le tapis l'histoire avec le soja bio allemand. 30 morts, 3000 intoxiqués. Bla bla bla. Tu finances une étude sur les bienfaits du bio sur la santé, car tu ne peux pas parler des bienfaits des pesticides quand même. Mais le résultat est le même, car tes chercheurs, ils vont prouver qu'il y a bienfait zéro. Après, il te reste le noyau du problème. Le chercheur à tête de grand-père. Mais là, tu prends vraiment ton temps. Comment détruire une réputation facilement ? Europe Connexion de Alexandra Badea, enregistrée dans le cadre des Chantiers Nomades, avec Clémentine Bernard et Xavier Machaud. Musique et création sonore, Benjamin Thuot. Prise de son, montage et mixage, Philippe Bredin, Jean-Michel Coqui et Anil Bosselet. Assistante à la réalisation, Chloé Mauduit. Réalisation, Alexandra Badea et Alexandre Planck. Remerciements à Céline Geoffroy et à toute l'équipe des Chantiers Nomades.